Guatemala, sur la mer Baltique, au Venezuela, je serai capitaine. Si j'étais la Pérouse, avec mon vieux bateau, j'irais taper les blues dans les bars de Frisco. Je serais les Dimstone, les Vasco de Gama, oui, mais seulement voilà. Tant pis pour Malaga, je préfère mon jardin. Notre-Dame.